Du fond de l'abîme, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des fautes, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Mon âme espère en l'Éternel. J'attends plus que les sentinelles le matin. Ton espérance en l'Éternel, car auprès de l'Éternel est la miséricorde, et auprès de lui la rédemption est abondante. C'est lui qui rachètera Israël. Mon âme espère en l'Éternel plus que l'aurore le matin.